Ce soir, nous recevons Bernard de Montréal pour nous parler d'un sujet qui touche notre corps émotionnel de proche. La sympathie qu'on donne aux gens, la sympathie qui pousse même à la compassion vis-à-vis des souffrances et des malheurs de nos proches, mais qui, vécu dans un climat d'inconscience, peut avoir des effets très particuliers. Est-ce que la sympathie dans un cadre de pensée inconscient mérite d'être vécue? Bernard de Montréal nous en parle dès ces instants. Merci. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Vous venez d'Italie. Oui. Vous avez rencontré des gens qui étaient sympathiques. Sympathiques, oui. Énervés et sympathiques. Désorganisés aussi. Bernard. Oui. Les gens qui vivent l'amour, on peut comprendre qu'à un certain moment donné, ils se mettent les pieds dans les plats. Mais les gens qui vivent de la sympathie entre eux autres, qui vivent des grandes sympathies, même voire des compassions profondes, sans être nécessairement à vivre ensemble. Est-ce qu'il y a un danger à vivre ça dans un cadre, disons, de spontanéité et même d'inconscience? Est-ce que la sympathie a des aspects voilés qui peuvent bloquer ou créer une confusion dans le jeu du développement de l'identité d'une personne? Ou la sympathie, c'est un mouvement d'âme qui est qu'on pourrait qualifier de positif ou même d'évolutif comme tel. Quand vous parlez de sympathie, si vous incluez dans la définition de sympathie la compassion, à ce moment-là, la sympathie peut devenir dangereuse. Mm-hmm. Donc, compassion sous-tendrait une sorte d'esclavage ou dépendance à l'autre? La compassion, c'est pour avoir de la compassion pour l'homme ou pour l'humanité, pour les êtres, il faut être intelligent. Parce que si on n'est pas intelligent, donc être intelligent, ça veut dire connaître les lois de la vie, connaître les lois occultes de la vie. Si on ne connaît pas les lois occultes de la vie et qu'on a de la compassion pour les êtres, on peut facilement perdre conscience de soi. Et si on perd conscience de soi, on perd de l'identité. Et si on perd de l'identité, on perd de l'intelligence, puis on revient à une nature animalisée, mm-hmm. bien que spirituelle. Donc, tout n'a pas été dit sur la compassion, puis la chrétienté n'a pas nécessairement défini la compassion pour l'humanité d'une façon universelle. La chrétienté a défini la compassion pour son bénéfice personnel. Mm-hmm. Mais elle ne l'a pas nécessairement défini pour l'humanité d'une façon universelle. D'ailleurs, probablement, Nietzsche est beaucoup plus près de la définition de la compassion que ne l'a été la chrétienté, parce que Nietzsche, en tant que philosophe, était très, très libre d'esprit. Donc, il était capable de regarder le phénomène de la compassion en relation avec le phénomène de volonté, et ainsi de suite, et comprendre ou mettre en relief le fait que la chrétienté avait enlevé, à travers ses vertus, elle avait enlevé à l'homme de la volonté. Donc, si, quand vous parlez de sympathie, vous incluez le terme compassion dedans, à ce moment-là, il va falloir revisiter la définition de la sympathie, le regarder d'une façon objective et redéfinir la sympathie pour qu'elle serve l'homme en tant qu'individu et qu'elle serve aussi l'humanité qui en est la bénéficiaire, sans que l'esprit de l'homme perde sa lumière dans ce processus-là. Parce que la sympathie, c'est la sœur de l'âme. La sympathie vous permet de venir en relation vibratoire avec l'âme, elle vous permet de côtoyer l'âme, elle vous permet de se sentir l'autre. Mais si vous deveniez esclave de vos émotions, pendant que vous vivez cette sympathie avec l'autre, vous perdez de l'identité, vous perdez de l'intelligence, vous perdez de la lumière, vous perdez, vous êtes en dehors du rayonnement de votre esprit, et à ce moment-là, vous tombez sous les lois de la compassion, et à ce moment-là, vous perdez, jusqu'à un certain point, suffisamment d'intelligence pour vous garder totalement autonome dans votre conscience mentale. Donc, à ce moment-là, bien, vous faites partie de l'évolution et vous êtes sujet à vivre sur la Terre, dans l'expérience planétaire. Des expériences qui, au cours des années, alors que vous développerez une certaine maturité et que vous regarderez en arrière, vous permettront de dire que vous n'auriez pas dû agir comme ça dans le temps. Mm-hmm. Vous dites que la sympathie, c'est la sœur de l'âme. Est-ce que deux êtres qui se reconnaissent en esprit disposent d'une certaine sympathie mutuelle là, par rapport à l'autre? Deux êtres qui se reconnaissent en esprit ont une sympathie vibratoire, mais ce n'est pas une sympathie qui est basée sur les émotions. C'est totalement vibratoire, ça fait partie du contact esprit à esprit. Et cette sympathie-là, elle est réellement neutre, dans ce sens que l'individu ou les deux individus qui sont dans une relation étroite n'ont pas à souffrir l'un de l'autre, mm-hmm, ou l'un pour l'autre. Parce que dans une relation sympathique, c'est très, très possible qu'il y en ait un qui soit victime de l'autre. Comment ça se produit, ça? Ça se produit dans ce sens qu'il y en a toujours un qui... Il y en a toujours un qui est plus puissant que l'autre. Il y en a toujours un qui a plus d'abondance que l'autre. Il y en a toujours un qui est plus raisonnable que l'autre. Il y en a toujours un qui... Il y en a toujours un qui a un place, alors qu'il y en a un autre qui a un moins. D'ailleurs, c'est ça qui crée le phénomène de la sympathie. Mm-hmm. Parce que vous savez, la sympathie, ce n'est pas un principe de conscience basé sur l'égalitarisme des individus. Mm-hmm. Autrement dit, deux individus là, qui se régalent. Mm-hmm. Deux individus qui se régalent à l'intelligence, égales en émotivité, égales en beauté physique, égales en richesse matérielle, ne vivraient pas l'un pour l'autre la sympathie. Probablement qu'ils vivraient la guerre ou ils vivraient un merger, ou une union, mm-hmm, ou une fusion pour augmenter le pouvoir, mm-hmm, de leur état. Un petit peu comme les rois, en fait. Ouais, ouais. C'est pas de la sympathie qui a... C'est pas de la sympathie dans le sens qu'on le parle. Donc, quand on parle de sympathie, on voit toujours le danger de l'immission dans cette vertu-là, d'une compassion qui est basée techniquement sur une affectivité émotive. Donc, techniquement, sur une diminution du potentiel d'intelligence. Parce que dans l'intelligence intégrale, la sympathie est inexistante. Un homme qui regarde ce qui se passe dans le monde ou qui étudie les velléités de l'évolution planétaire ou qui regarde les souffrances politiques ou qui regarde les souffrances sociales ou qui regarde les blessures ethniques dans le monde ne vit pas par rapport à l'humanité de la sympathie. Il va dire, bon ben, ces peuples-là, ils vivent telle chose pour telle raison karmique, cet homme-là vit telle chose pour telle raison karmique. L'homme va connaître le karma de l'homme comme il peut connaître le karma des races, le karma des nations, et ainsi de suite. Mm-hmm. Donc, à partir du moment où on est capable de s'instruire personnellement au niveau d'une certaine comptabilité des faits historiques basés sur le karma individuel ou national ou racial, on ne peut pas vivre une sympathie par rapport à l'homme. Donc, la loi de la compassion chrétienne devient inexistante et absolument insuffisante pour nous donner accès à l'autre. Mm-hmm. Donc, à ce moment-là, si cette loi-là est insuffisante et qu'elle ne sert plus à l'individu conscient, à ce moment-là, elle est mise de côté complètement pour qu'il puisse finalement traiter avec le phénomène humain à un autre niveau. Mm-hmm. Donc, j'ai l'impression que les vertus qui font partie de l'évolution historique de la conscience judéo-chrétienne ou chrétienne, disons chrétienne, sont des vertus qui un jour devront être revisitées dans le sens de réétudier ou remises en contexte, mais elles devront être remises en contexte par des individus qui ne sont pas christianisés dans le mental. Mmh. Autrement dit, des individus qui sont libres dans le mental de penser comme ils veulent, qui ne vont pas chercher l'appui théologique du Vatican ou l'appui spirituel des systèmes qui existent ou qui existent dans la société. Vous êtes en train de dire que la sympathie découle ni plus ni moins des religions ou... La sympathie découle du besoin spirituel des humanités pour l'évolution émotive des humanités. Donc, elle fait partie intégrale de l'annonciation des grandes valeurs que les initiés dans le passé ont amenées vers l'humanité. Mais ce qui se produit, c'est que la façon dont les initiés parlent à l'humanité quand ils viennent n'est pas nécessairement la même façon dont les disciples ou ceux qui viennent après parlent. Parce qu'il y a toujours un phénomène d'interprétation. On interprète ce que les initiés ont dit, on va interpréter ce que le Nazaréen a dit, on va interpréter ce que Osiris a dit, on va interpréter ce que Platon a dit ou Socrate a dit. Donc, ça devient très, très difficile de demeurer près des initiés qui ont un travail particulier à faire pour l'évolution de l'humanité, parce qu'on a tendance à créer un égrégore de pouvoir autour de leur parole qui fait notre affaire. Je reviens de Rome, puis j'ai toujours été fasciné un peu par l'histoire des Médicis, ainsi de suite. Puis on s'aperçoit que l'histoire de l'Église, c'est une histoire qui est extrêmement temporelle. L'histoire de l'Église, elle est beaucoup moins spirituelle qu'on s'imagine. Puis il y a eu des abus de pouvoir absolument extraordinaire. Des abus de pouvoir qui ont été réglés ou rationalisés en fonction des besoins étatiques de l'Église, en fonction du besoin d'expansion de la chrétienté, et ainsi de suite. Mais demeure le fait que un grand nombre d'êtres ou de personnes ou d'individus ou de nations ont souffert dans le processus d'évolution ou d'expansion politique temporelle de l'Église. Et à ce moment-là, si on regarde les valeurs ou si on regarde les vertus qui ont été exprimées ou utilisées ou considérées essentielles dans l'Église par rapport aux évangiles, par rapport à la parole de l'initié, le Nazaréen, on s'aperçoit qu'il y a eu des abus de pouvoir atroces. C'est ce qui a amené des individus comme Nietzsche, par exemple, à totalement se retourner contre le christianisme et à vouloir finalement montrer ou démontrer philosophiquement aux modernes européens que le christianisme était anti-individu, anti-volonté individuelle, ainsi de suite. Mais le problème avec Nietzsche, c'est qu'il a été utilisé par un autre initié noir qui était Hitler pour la reconstruction en Europe d'une volonté anticléricale qui devait servir d'annonciation pour la formation d'une race aryenne. Heureusement que ça l'a failli, mais ça démontre jusqu'à quel point les hommes sont capables, dans un temps moderne ou dans un temps antique, d'utiliser les paroles d'un initié, dans le cas du Christ, ou les paroles d'un grand philosophe comme Nietzsche, et tourner le sens de ces paroles-là à leur avantage. C'est pour ça que quand vous parlez de sympathie ou que vous parlez de compassion, on est obligé de regarder ça à la loupe et de réellement reconnaître dans ces termes-là des courants d'énergie astro, les défaire ces courants-là pour finalement en arriver à une conscience de la définition du terme. Sinon, on demeure totalement berné, cerné, appauvri dans notre esprit et on perd de l'individualité. Vous savez, un homme qui pense, l'homme normal qui pense, qui est philosophe, qui réfléchit, qui étudie ou qui analyse les choses, il analyse toujours les choses par rapport à d'autres choses qui ont été dites avant lui. Donc l'homme, dans un sens, même s'il est très intelligent et qu'il est à l'université, qu'il fait des études, qu'il est au doctorat, ainsi de suite, qu'il écrit des livres, l'homme, quand il réfléchit sur ce qui a été dit, s'il n'a pas la capacité de réellement faire éclater la forme, il va naturellement, sans s'en rendre compte, la faire évoluer à l'intérieur ou dans le cadre d'une perspective personnelle ou socio-historique personnelle. Et ça va enlever à la forme sa lumière et ça va garder l'individu ou les masses qui lisent le matériel dans une forme de conscience astrale. C'est pour ça que ça dure des siècles, puis des siècles, puis des siècles d'ignorance. Alors que l'homme, techniquement, un être conscient, quand il parle ou quand il étudie une forme quelconque ou qu'il étudie une valeur quelconque, il doit l'étudier en étant totalement à l'extérieur d'elle. Donc, si un homme donne une conférence, par exemple, sur le phénomène de la compassion, il est supposé, alors qu'il explique la compassion, il est supposé en être totalement ignorant au niveau de la définition. Il doit prendre conscience instantanément de ce qu'il dit. Et ce qu'il dit ne doit pas lui appartenir. Si ça ne lui appartient pas, si ça n'est pas raccolé à sa mémoire, si ça ne fait pas partie de la mémoire de la race, il n'y a aucune gestion personnelle concernant la définition, et à ce moment-là, il peut jeter une nouvelle mémoire, une nouvelle conscience, une nouvelle lumière sur cette vertu-là ou sur cette définition-là qui est nécessaire, qu'on appelle la compassion. Sinon, on ne peut pas avancer. Il ne peut pas s'approprier l'idée. Il ne peut pas s'approprier l'idée. Son rôle, c'est de jeter de la lumière sur l'idée. Tandis que nous autres, les hommes, quand on est en voie d'exprimer quelque chose, ou de définir quelque chose, ou de réajuster philosophiquement ou idéologiquement quelque chose pour l'humanité, on y met toujours un peu de nous-mêmes, et on ne doit pas faire ça. Par contre, ne pas faire ça, c'est pas facile, parce que ça nécessite un certain niveau de conscience transparente très avancé, pour pouvoir être réellement un canal à l'esprit, et non plus une simple réflexion à l'âme et à tout ce qui découle d'elle, donc la mémoire personnelle, la mémoire de la race et la mémoire karmique de l'individu. C'est pour ça que c'est long pour une humanité d'évoluer en fonction des préceptes ou des notions ou des vertus qui lui ont été inculquées par des initiés. C'est pour ça qu'on parle de l'involution. C'est pour ça qu'un jour on parlera de l'évolution ou des individus seuls, capables, seuls. Et je dis seuls. Et quand je dis ça, je dis des individus qui seront capables de supporter sur eux-mêmes la capacité de détruire la forme sans plier des épaules, sans regarder autour d'eux pour voir qu'est-ce qu'on pense d'eux. Et à ce moment-là, mais l'homme pourra se libérer, l'homme deviendra un grand parleur, un grand verbe, l'homme apprendra énormément de choses, et à ce moment-là, il pourra regarder l'histoire. Bon, ces formes, que ce soit des formes qui appartiennent aux Indes, à la Chine, au confucianisme, au shintoïsme, au christianisme, etc. L'homme pourra regarder ça et le mettre en perspective, mais lui en est jamais affecté. Okay. Il va demeurer mobile à l'intérieur des idées. Il sera toujours mobile à l'intérieur des idées, puis c'est ça l'évolution. Maintenant, on parle de sympathie, donc on sous-tend qu'il y a des sympathisants. Donc, si je comprends bien avec ce qu'on parle, c'est que sympathisant veut dire adhérer à une façon de penser, adhérer à une valeur de vie. Et un être conscient n'adhère à rien. Donc, quand vous parlez de sympathie vibratoire, vous parlez de quoi dans l'échange entre deux êtres? Parce que là, si on est sympathisant, on adhère à des idées, mais là, un être conscient ne reste mobile, donc il est à l'extérieur de l'idée. Qu'est-ce qui reste, quand vous parlez de sympathie vibratoire, qu'est-ce qui reste à la sympathie entre deux êtres qui sont dans l'esprit? Deux êtres qui sont dans l'esprit, quand ils vivent une sympathie vibratoire, ce qu'ils vivent, c'est une collision d'esprit. Autrement dit, instantanément, les deux comprennent. C'est ça, la sympathie vibratoire. T'as deux êtres qui se comprennent instantanément. C'est comme ils se saisissent. Mais ils ne s'appartiennent pas. Ils ne s'appartiennent pas, mais ils se comprennent. Tandis que dans l'évolution, deux êtres qui ont une sympathie psychologique ou une sympathie d'âme ne se comprennent pas nécessairement. Ils se sentent, mais ne se comprennent pas nécessairement. Okay. Alors que deux êtres conscients ne se sentent pas nécessairement, mais ils se comprennent. Autrement dit, l'homme de l'évolution, on pourrait définir l'homme de l'évolution comme étant un être qui se sent, puis l'homme de l'évolution comme étant un être qui se comprend. C'est la différence entre les deux. Donc, on suppose assez facilement que si des êtres inconscients se sentent, ils ne se mettent pas dans un registre d'initiation, tandis que deux êtres... Ils se mettent dans un registre d'expérience, qui peut devenir initiatique dépendant de leur programmation, tandis que deux êtres qui se comprennent, automatiquement vivent au niveau de leur propre rayonnement personnel. Donc, ils n'ont plus à vivre de l'expérience parce qu'ils sont tellement instantanés que l'un devient l'autre et l'autre devient l'autre. Est-ce qu'on pourrait dire que ces êtres-là se sortent de l'expérience? S'ils sont réellement affranchis du karma, ils sont totalement en dehors de l'expérience. Oui. Parce qu'on parle souvent dans le développement de la conscience de passer de la critique à l'étude. J'imagine assez facilement que quand on trouve pas quelqu'un de sympathique, on le critique. et que si on est dans un processus de conscience, cette sympathie vibratoire-là pousse les êtres à s'étudier lorsqu'il y a un malaise. C'est ça. Bon, l'étude pour un être conscient, c'est quoi ses paramètres comme forme de communication? Pour un être conscient, l'étude, ça devient son plaisir d'esprit. Pour découvrir l'esprit d'un autre, à quelque niveau d'évolution qu'il soit rendu. Mm-hmm. Autrement dit, un être qui fait une étude d'un être, ce n'est plus dans le cadre d'un jugement qu'il étudie, donc c'est dans le cadre d'une structure mentale. Mm-hmm. Fait que si tu rencontres une, je donne un exemple là, réellement naïf, là, simple, si supposons que je rencontrerais une prostituée dans un restaurant, bon, puis elle dirait bonjour, M. Bernard, comment ça va? Bon, je dirais, bon, venez prendre un petit café, Fait que là, je sais pas comment est-ce que je parlerais ou je sais pas ce que je dirais, mais je sais que j'engagerais une conversation intelligente avec cette prostituée-là pour découvrir quoi? En parlant, pour découvrir sa structure mentale, sa structure émotionnelle. Alors, en découvrant, en cherchant à comprendre sa structure mentale, sa structure émotionnelle, automatiquement, elle serait obligée, elle, de reconnaître que je ne parle pas avec elle dans le cadre d'un jugement. Mm-hmm. Je ne suis aucunement impliqué dans cette attitude-là. À ce moment-là, mais là, je la découvrirai à elle, puis probablement qu'elle se découvrira à travers la conversation aussi des choses intéressantes. J'ai rencontré une personne, d'ailleurs, on parle de prostituée, parce que j'ai donné une conférence dernièrement à Québec. Puis, je suis allé vers une jeune dame à la table, j'ai dit bonjour, comment ça va? Elle m'a dit, ça va bien. Puis, j'ai dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Puis, elle m'a répondu, je suis une pute. Puis, elle m'a envoyé ça de même. Ça ne dérangeait pas plus que ça. Puis moi, ça ne m'a pas dérangé non plus. Fait qu'on s'est bien entendu de ça. Mais si ça ne m'a pas dérangé, je serais venu rouge, puis je me serais gratté les oreilles. À ce moment-là, mais ça aurait été équivalent à un jugement. Tandis que là, mais ça ne m'a pas dérangé. Fait qu'automatiquement, puisque ça ne m'a pas dérangé, comment ça va le moral? Elle dit, ça va bien. J'ai dit, c'est tout ce qui compte. C'est bon. Je suis parti, j'ai donné ma conférence. Puis est-ce qu'elle elle était dérangée du fait que vous n'étiez pas dérangée? As-tu trouvé ça assez intéressant? Est-ce que ça pouvait... Est-ce qu'on peut parler de deux êtres qui sont sympathiques vibratoirement à ce moment-là? Bon, faut pas pousser la sympathie trop loin. Non, mais... Pardon, c'est le sujet de la conférence. Je ramasse tout. Ouais, mais c'est parce que là... Je disais tout à l'heure que dans une sympathie vibratoire, il n'y a pas d'avantage, tandis que là, s'il y avait eu sympathie entre moi et Pierre, il y a eu un avantage, l'avantage aurait été basé sur le fait que je la comprenais. Bon. Fait qu'elle aurait pu tirer avantage du fait que je la comprenais, donc c'est une sympathie qui est encore subjective. Est-ce qu'un peut être sympathique vibratoirement, puis l'autre sympathique au niveau de l'âme, là? Oui. Bon. Oui. Fait qu'une personne que, si on arrive avec une certaine conscience de notre environnement, et puis qu'on comprend les gens, qu'on les saisit bien dans l'esprit, eux autres peuvent être sympathisants à notre personne d'un point de vue purement affectif ou émotif. C'est ça. C'est normal. Mm-hmm. Normal. Mais ça ne veut pas dire que tu vas vivre avec. Non, c'est pas ça que j'évalue, là. Mais c'est parce que souvent on peut vibrer. Ben, c'est parce que la nuance, je veux la faire, là. Un peut être sympathique vibratoirement, puis l'autre peut vibrer d'autres choses qui est sympathique au niveau émotionnel. Ouais, mais c'est pour ça que je dis, ça n'engage pas un à vivre avec l'autre. Non, mais de la sympathie, vous l'avez dit, ça n'engage rien. Mais quand est-ce que les gens dans de la sympathie interprètent ça comme un engagement? C'est quand les deux sont sur la même fréquence? Non. Non! Parce que quand, dans une conscience vibratoire, il n'y a pas d'engagement. Dans une conscience vibratoire, il y a une relation créative pure et simple. On saisit point. Parce que si vous avez une personne qui a une sympathie vibratoire, vous avez une autre personne qui a une sympathie d'âme, à ce moment-là, c'est évident que la personne qui a une sympathie d'âme va vibrer beaucoup au niveau des émotions par rapport à la personne qui a une sympathie vibratoire. Puis la personne qui a une sympathie vibratoire, elle va vibrer, mais pas au même niveau. Comment dire, elle va être dégagée émotivement de toutes les attitudes personnelles qu'elle pourrait avoir par rapport à cette personne-là. Donc, ça va la situer automatiquement sur un plan mental différent de l'autre. Donc, automatiquement, ça va lui permettre de parler, d'être en communication avec, mais de ne pas développer de relation, c'est-à-dire d'alliance à long terme. Okay. Tu ne peux pas développer d'alliance à long terme avec une personne qui a une conscience, qui a une sympathie, d'âme avec toi. Pourquoi? Parce que dans une sympathie d'âme, il y a toujours un besoin d'affection, il y a toujours un besoin quelconque, il y a toujours un soutirement de quelque chose. Une personne qui a une sympathie d'âme, elle te soutient quelque chose. Si tu as une conscience mentale, une conscience vibratoire, tu ne peux pas être, on ne peut pas te soutirer quoi que ce soit. Tu peux donner si tu veux, mais si on te soutire, éventuellement, tu vas couper la corde. Mm-hmm. Donc, il y a un décalage entre une sympathie d'âme puis une sympathie spirituelle, si vous voulez, une sympathie astrale, mm-hmm. puis une sympathie mentale. Il y a un gros décalage. Mm-hmm. Ça, ces deux expériences-là sont très, très différentes. Mais elles peuvent se mêler dans la même conversation. Temporellement. Bon, là, c'est là que ça devient intéressant, parce qu'on est exposé dans un courant de vie. En tout cas, surtout quand on développe une certaine conscience, c'est plus facile de respecter les autres. Mais c'est qu'il y a des gens qui traitent mal. Ben, traitement, ils traitent avec ce qu'ils ont, là, avec le respect qu'on rayonne vers eux. Parce que pour eux, les respecter, c'est s'engager. Parce que, comme vous dites, là, ça crée un climat de sympathie. Donc, il y a dans la sympathie comme une attente de lier. Une attente de se lier à. Dans la sympathie d'âme, oui. Ouais. Il y a une attente de se lier. Il y a une attente. Ouais. Bon. Quels sont les mécanismes d'âme qui font que les gens pense que être sympathique mutuellement, ça oblige l'un vers l'autre. C'est quoi qui fait ça? C'est-tu deux entités, c'est les plans qui jouent aux quatre? Là? Les gens ne réalisent pas comme ça. Non. Quand des gens vivent une sympathie d'âme, ils vont chercher chez l'autre ou mutuellement, ils vont chercher un égrégore qui fait partie de l'autre et qui peut être temporaire. Autrement dit, deux personnes qui se rencontrent et qui sont sympathiques l'une avec l'autre vont aller chercher l'égrégore qui leur est favorable, maintenant. Mais au bout des semaines, puis des mois, puis des années, et ainsi de suite, cet égrégore-là, qui originellement était favorable, avec le temps, ne le sera pas. C'est pour ça que dans une sympathie d'âme, éventuellement, il y a une expérience, parce que dans une sympathie d'âme, deux individus sont appelés par les forces occultes en eux, dont ils ne reconnaissent pas l'existence, mm-hmm. sont appelés finalement à se découvrir mm-hmm. à travers l'expérience. Donc, à travers la souffrance, donc à travers l'égrégore qui, un jour, va devenir évident à leurs yeux. Mm-hmm. Je vous donne un exemple. Un jeune homme gêné rencontre une jeune femme sensuelle, délurée, dégénée. Pour le moment, le jeune homme gêné qui rencontre une jeune femme, comment vous dites ça? Délurée. Délurée? Oui. Jeune femme délurée? Pas diluée, là. Déluré, pas dilué. À ce moment-là, au début de l'expérience, le jeune homme va développer une sympathie d'âme. Ouais. Puis elle a pu développer une sympathie d'âme. Parce qu'il est fragile. Parce qu'il est fragile. Parce que chacun va aller chercher quelque chose. Mais au bout d'un an, deux ans, trois ans, quand le jeune homme va s'apercevoir que la personne, la jeune fille, pas, comment vous dites ça, déluré? Déluré. Déluré? Le déluré. Vous regardez ça dans le scanner, déluré. Que la jeune fille, délurée, a commencé à jouer des games, mm-hmm. à ce moment-là, la sympathie va casser. Mm-hmm. Parce qu'après un certain temps, ce qu'elle aura cherché de lui, ce serait plus suffisant pour elle. Mm-hmm. Puis ce que lui aura cherché chez elle donnera à quelqu'un d'autre. C'est ça. Fait que c'est l'histoire de la vie, ça. Fait que c'est pour ça que la sympathie d'âme mène toujours éventuellement à un conflit d'esprit. Un conflit d'esprit. Ouais. Donc, sympathie d'âme. Sympathie d'âme mène à conflit d'esprit parce qu'un jour, un des deux devient intelligent. Mm-hmm. Se réveiller à une condition, c'est devenir plus intelligent. Donc, ça mène à un conflit d'esprit. Même si ce n'est pas un grand esprit, là, il y a un conflit d'esprit. Puis, mais un conflit, quand il y a un conflit d'esprit entre deux êtres, ça ne se quantifie pas, ça, de l'esprit. Aussitôt qu'il y a de l'esprit qui est en résonance dans le mental de l'homme au niveau d'une expérience, c'est bon parce que ça le fait voir, ça le fait évoluer. Mais je veux souligner le fait que le conflit d'âme, la sympathie d'âme mène au conflit éventuellement d'esprit. Okay. Si ce n'était pas le cas, à ce moment-là, vous n'auriez pas de sympathie d'âme, vous auriez deux sympathies de conscience vibratoire qui ne mènent jamais à un conflit d'esprit, mais qui mènent à une fusion ou à une unité d'esprit. OK. Bon, est-ce que le conflit d'esprit, c'est l'éclatement de l'égrégore dont vous parlez? Le conflit d'esprit va faire éclater l'égrégore ou va amener un individu à souffrir suffisamment de l'égrégore pour en être victime. Donc, le suicide, par exemple. Mm. Le petit garçon, par la fille, mm-hmm. puis se suicider, devenir découragé, puis se dire, bon, mais je ne rencontrerai jamais une femme comme ça dans ma vie, je me fais sauter. Mm-hmm. Parce qu'il n'a pas été au conflit d'esprit. Parce qu'il n'a pas passé au stade du conflit d'esprit. Il est demeuré au niveau de l'âme, donc éventuellement, il a été possédé par une entité suffisamment forte qui a utilisé l'égrégore pour l'amener finalement à une totale domination, donc au suicide. OK. Bon, ça veut dire, d'abord, qu'on peut quasiment, selon les sympathies qu'on a, là, on peut pratiquement faire le portrait de notre expérience de vie à vivre. Ce à quoi on est sympathisant, là, en termes de valeur de vie, donc en termes de modèle de personne, donc modèle d'évolution. Si vous étiez capable là, de prendre une mesure de vos sympathies quand vous rencontrez des gens dans le monde, là, puis les mettre sur du papier, puis leur faire une fine analyse, là, vous seriez capable d'avoir une projection d'expérience que vous auriez à avoir dans telle année, quand les planètes seront en position de telle façon. Pour la vie. Mais il y a définitivement des gens dans notre vie qui sont des prototypes d'expérimentation pour effectivement, nous. Effectivement. Bon, dans un sens, c'est inévitable, les sympathies pour les gens. On ne peut pas éviter d'avoir de la sympathie pour du monde. Je vais vous dire pourquoi c'est inévitable. C'est pas que c'est inévitable. Si, dans le cadre de l'expérience humaine actuelle, c'est inévitable parce que l'homme n'a pas l'homme ne peut pas utiliser intégralement sa voyance. Si l'homme était capable d'utiliser intégralement sa voyance sur la Terre, l'évolution du phénomène humain sera tellement rapide que l'homme pourrait en arriver éventuellement à passer à un autre temps et à totalement dématérialiser sa conscience pour ne vivre qu'au niveau de l'immortalité. Mm-hmm. Donc ça fait partie de l'évolution de l'humanité. Alors, l'homme est obligé sur la Terre actuellement, à cause du facteur psychique de son moi, autrement dit, à cause de la densité de son ego, il est obligé de vivre son esprit à travers l'illusion de son âme pour pouvoir, avec le temps, prendre conscience de son esprit. L'homme ne peut pas prendre conscience de son esprit directement parce que l'évolution de l'homme serait trop rapide. OK. Et l'homme, si l'évolution de l'homme serait trop rapide, il suffirait qu'il y ait un homme, deux hommes, un petit nombre d'hommes sur la Terre, et ces hommes-là sur la Terre, s'ils n'étaient pas totalement fusionnés dans ce processus-là, deviendraient des archanges planétaires, autrement dit des êtres qui assumeraient sur la Terre le contrôle de l'évolution de l'humanité, et on ferait l'expérience d'une réincarnation du phénomène de l'Atlantide, où les hommes seraient totalement perturbés dans leur psychisme personnel parce qu'ils feraient face à des forces occultes très puissantes dont ils ne seraient pas capables de comprendre le mensonge. Okay. Donc, l'homme est obligé, pour en arriver à pouvoir travailler avec ses forces, son énergie, sa lumière, l'homme doit constamment être éprouvé dans l'âme, pour en arriver finalement à vivre le conflit de l'esprit. Et c'est quand il vit le conflit de l'esprit qu'à ce moment-là, il est capable de voir et de reconnaître l'illusion de son expérience. Donc, l'illusion de l'âme, l'illusion de ses pulsions, l'illusion de sa programmation, et finalement se libérer en tant qu'être sur la Terre des forces occultes qui sous-tendent sa conscience, mais qui ne peuvent le manipuler qu'en fonction de son ignorance. Une fois que l'homme est plus ignorant, les forces occultes ne peuvent plus rien faire contre lui parce que les forces n'ont plus de grande, n'ont plus de référent. Donc à ce moment-là, l'homme est prêt, l'homme est capable de travailler avec les forces occultes sans chercher à créer sur la Terre un égrégore noir. C'est-à-dire, l'homme ne pourrait pas en arriver avec le temps à s'établir ou à se prononcer comme un antéchrist sur la Terre. Il serait obligé de considérer l'humanité à son niveau et travailler avec elle à des niveaux cachés, mais ne chercherait pas à la dominer. Pourquoi? Parce qu'il aurait totalement transmuté les forces de l'âme Si on me demandait, mais pourquoi est-ce que vous êtes tellement contre l'ésotérisme mondial, puis que vous êtes tellement contre tout ce qui est occulte, puis que vous êtes en même temps occulte? Puis ma réponse à ceci, c'est que la raison pour laquelle je suis contre l'ésotérisme, c'est pas à cause de la forme elle-même, mais c'est à cause de l'émotion que l'homme utilise par rapport à la forme. Une émotion qui est techniquement basée sur sa programmation, donc sur les forces de l'âme, qui utilise la forme, sans nécessairement la comprendre. Si l'homme était conscient, si l'homme comprenait les lois occultes de l'ésotérisme, ou les lois occultes de toutes ces sciences paranormales-là, il n'y aurait pas de problème, parce qu'à ce moment-là, l'homme sera en contrôle, c'est-à-dire que l'homme n'aurait pas à subir le karma personnel de sa programmation pour convertir avec les intelligences qui sont sur les temps parallèles. Donc, ces intelligences-là, qu'on appelle ajusteurs de pensée, ou qu'on appelle contact, ou qu'on appelle n'importe quoi, ces intelligences-là deviendraient simplement le siège moniteur de l'intelligence, alors qu'ils sont dans un corps matériel. Et une fois que les hommes seraient sur un plan parallèle, autrement dit, une fois que les hommes seraient libérés de leur enveloppe charnelle et que les hommes n'auraient pas à se projeter dans les espaces astraux, l'homme serait capable de se vitaliser en conscience éthérique, en conscience moroncielle, travailler avec ces intelligences-là, autrement dit, travailler en partenariat avec ces intelligences-là, et finalement réussir le fameux rêve de toutes les humanités, c'est-à-dire réussir son immortalité, c'est-à-dire sa capacité de ne pas descendre aux enfers, mais de rester dans les sphères de lumière. Donc, ça nécessite pour l'homme une transmutation intégrale de l'âme. Et l'homme ne peut pas dire, bon, mais pourquoi, comment ça se fait qu'on vit telle chose? Parce que demander cette question-là, c'est déjà avouer son ignorance. Si l'homme était réellement conscient des lois occultes, quand je parle des lois occultes, là, je parle de tout ce qui soutient la vie biologique, le corps matériel, l'âme, l'identité, autant personnelle que prépersonnelle, tout le bagage, toute la multidimensionnalité de son expression vivante. Si l'homme était conscient de ces lois-là, il y a beaucoup de questions fatidiques qu'il pose dans la vie qu'il ne poserait jamais. Il y a des gens qui m'ont dit, qui me disent, je ne recommencerai pas, je ne revivrai pas mon expérience. Alors, pour qu'un être dise je ne revivrai pas mon expérience, ça veut dire que je ne voudrais pas goûter à de la souffrance qui me met dans un état de vie ou de vitalité actuelle. Mais des gens qui parlent comme ça sont déjà des êtres qui ne reconnaissent pas la puissance de leur vocation, c'est-à-dire la puissance de leur vibration, c'est-à-dire la puissance de la lumière, et c'est seulement ça qui peut les sortir finalement de ce que j'appelle les enfers d'anciens de l'expérience planétaire. Une fois que l'homme est sorti de ça, il est libre, qu'il soit sur le plan planétaire, qu'il soit sur le plan éthérique, qu'il soit sur le plan astral, l'homme est libre, mais il faut qu'il paye le prix. Mais l'homme se dort la pilule, il y a toujours un orgueil fébrile dans sa conscience. Pour moi, en tout cas, de l'ego, c'est de l'orgueil. Ça peut être un grand orgueil, ça peut être un petit orgueil, parce que de l'ego, c'est de l'orgueil. Mais la preuve que de l'ego, c'est de l'orgueil, c'est que de l'ego, ça pense. Tant que l'homme pense, il est susceptible de vivre de l'orgueil. Même si l'orgueil est extrêmement diminué, extrêmement dilué, presque non existant, l'orgueil existe, coexiste avec l'âme, tant que l'âme n'est pas chevauchée par l'esprit, c'est-à-dire tant que la fusion n'est pas établie sur la terre. L'orgueil existe. Pourquoi? Parce que l'orgueil, c'est la seule façon à l'homme de supporter son état, d'évaluer son état, de prendre conscience de son état avant la mort de l'ange. Quand l'homme est dans la mort blanche, il n'a plus à évaluer son état. Il n'a plus à supporter son état parce qu'il est plus capable de penser. Il est constamment dans sa lumière. Il n'est jamais en réflexion de conscience. Il est toujours en émission de conscience. Tandis que l'homme de l'évolution est en réflexion de conscience. Donc, il est toujours, jusqu'à un certain point, sujet aux lois de l'évolution. C'est-à-dire, jusqu'à un certain point, sujet aux lois de la mort. Autrement dit, l'homme ne saura pas, lorsqu'il sort de son corps matériel, l'homme ne saura pas tant qu'il ne passera pas à la conscience mentale, s'il peut sortir de son enveloppe matérielle sans être assujetti à l'astralisation de son énergie. Quand tu sors de ton corps matériel, il faut que tu saches jusqu'où tu t'en vas. Si tu ne sais pas où tu t'en vas quand tu t'en sors de ton corps matériel, tu t'en vas automatiquement sur le plan astral. Si tu sais où tu t'en vas quand tu sors de ton corps matériel, tu t'en vas sur le plan éthérique. Mais pour que l'homme puisse réellement faire la distinction entre ces deux plans-là, il faut que lui, en tant qu'individu, soit totalement distingué dans ces deux aspects-là. Autrement dit, il faut qu'il ait une conscience suffisamment avancée, suffisamment intégré pour ne pas trop colorer son intelligence au moment de la mort. C'est-à-dire ne pas être trop influencé par les courants astraux de l'âme au moment de la mort. C'est pour ça que la transmutation de l'âme est importante, c'est pour ça que l'initiation solaire est importante, et c'est pour ça d'ailleurs que toutes les initiations sont importantes. Que ce soit des initiations noires, ou que ce soit des initiations blanches, ou que ce soit des initiations solaires, toute initiation rend l'homme conscient de son imperfection. Le type qui fait de l'initiation noire, le type qui fait de la magie noire, qui vit une initiation dans ce domaine-là, il est toujours conscient de son imperfection. Autrement dit, il a une accession à des pouvoirs occultes qu'il n'a pas. Donc, pour lui, ça fait partie d'une certaine révélation. Pour l'homme qui est dans une initiation blanche, spirituelle, ou pour l'homme qui est dans une initiation solaire, qui est la synthèse probablement des deux autres, c'est la même chose. Éventuellement, il est obligé de réaliser des points dans sa conscience personnelle qui sont sujets à être transmutés. Et ces points-là sont mesurés et mesurables comment? Par la souffrance qu'il vit sur le plan matériel. Tant que tu souffres sur la terre, il y a des choses chez vous que tu n'as pas nettoyées. Parce que la souffrance ne fait pas partie de la conscience cosmique. Donc, quand on parle de Nietzsche qui se retourne contre la chrétienté, quand on regarde la chrétienté qui a donné une grande valeur à la souffrance, il y a une différence entre le Vatican qui donne une grande valeur à la souffrance humaine sur la Terre et le Christ en tant qu'initié qui donne une grande valeur à la souffrance sur la Terre. Quand un initié dit à l'homme que l'homme doit souffrir pour transmuter, l'initié dit à l'homme qu'il doit transmuter pour être libre. Alors que l'Église, quand elle dit que l'homme doit souffrir parce que la Terre, ça fait partie de la vallée des larmes, elle dit que l'homme doit souffrir parce que ça fait partie de la volonté de Dieu. Ça fait partie des desseins de Dieu pour son agrandissement au niveau de l'âme. Donc, dans le fond, si on le regarde d'un point de vue occulte, c'est totalement de l'ensemencement négatif, c'est de la création d'égrégores spirituels qui ont fait de l'humanité présente, chrétienne, une humanité totalement incapable de penser par elle-même, donc qui est aujourd'hui même forcée philosophiquement de se questionner par rapport à la valeur de la vie, par rapport à la valeur de son existence, par rapport à l'abortion, par rapport à l'euthanasie, par rapport à toutes sortes de choses qui, techniquement, font partie de la souffrance de la conscience planétaire, alors que ça ne devrait pas être comme ça. Parce que la souffrance ne fait pas partie de la conscience planétaire de l'âme. Elle fait partie de la conscience cosmique de l'âme à partir du moment où il est mis en vibration pour en arriver à pouvoir passer d'un état de conscience à un état de conscience inférieur, mais ça ne fait pas partie de l'expérience planétaire de l'âme. La seule raison pour laquelle ça fait partie de l'expérience planétaire de l'âme, c'est parce que les hommes ont été mal informés concernant la constitution psychique de leur moi face à la valeur fondamentale que les différentes civilisations ont donnée à son ego en tant qu'être conscient appartenant à cette grande collectivité-là qu'on appelle la société. Est-ce que vous diriez que dès qu'on est sympathique à une façon de penser mystique ou spirituelle, on est exposé à des conflits d'esprit. Aussitôt qu'on est sympathique à une forme de pensée, on perd de l'identité. Qu'on soit juif, qu'on soit arabe, qu'on soit grec, qu'on soit catholique, qu'on soit... Voilà. C'est totalement anti-intelligence d'appartenir à une forme de pensée. Ça fait partie de l'évolution, c'est normal. Mais dans l'évolution, l'homme ne pourra pas appartenir à aucune forme de pensée parce que son mental va être suffisamment éveillé pour le mettre en vibration lorsqu'il va être bombardé par une idéologie quelque part. Quand, Bernard, les gens vivent de la sympathie, est-ce que ça soutient une forme de croyance? Est-ce que c'est proche parent de la croyance? Être sympathique à quelqu'un, est-ce que ça nous prédispose à le croire? Oui. Parce que vous, dans l'instruction, vous dites tout le temps, les gens qui croient sont placés dans une situation d'expérience, ça c'est garanti. Oui, ça met la croyance. Parce que dans la sympathie, il y a des voiles. Donc, comme il y a des voiles, à ce moment-là, c'est facile pour nous d'aller vers la personne, donc la croire, parce qu'il y a des voiles. Parce que dans le fond, le phénomène de la croyance, c'est simplement un phénomène de voile. Si les gens savaient ce qu'il y a derrière ce qu'ils croient, les gens ne pourraient pas croire. Donc, les voiles sont nécessaires parce qu'ils permettent de substituer temporairement, un certain niveau de mensonge pour un certain niveau de foi. Ça prend un certain niveau de mensonge pour bénéficier d'un certain niveau de foi. On prend simplement l'histoire du Saint-Suaire. Si on prend l'histoire du Saint-Suaire. Mais tu regardes le Saint-Suaire, c'est une belle relique. Puis ça a été utilisé pendant toute la Renaissance, jusqu'au 20e siècle. Puis tu as beaucoup de catholiques qui ont vibré au Saint-Suaire, pensant que c'était l'image du Christ, ainsi de suite. Bon. Jusqu'à temps que vienne ou qu'advienne l'establishment scientifique, puis dis, OK, on va regarder ça, le Saint-Suaire, on va le passer au carbone 14. Puis quand ils l'ont passé au carbone 14, là, ils se sont aperçus que Saint-Suaire, finalement, c'est un œuvre qui avait été exécuté au 12e siècle. Pour des raisons spirituelles, pour des raisons de foi. Mais c'est un œuvre qui a été exécuté au 12e siècle. Donc, les voiles, mais ça a aidé beaucoup de personnes, le Saint-Suaire. C'est ça. Mais quand tu le regardes d'un point de vue objectif, tu vas au-delà des voiles qui sont reliées à la croyance. J'étais dans une petite ville italienne dernièrement, là, à Civitavecchio. Puis, il y a eu un phénomène dernièrement, là, en Italie, là, de la Madone qui pleure. Fait qu'on était pas loin de là. Fait que j'ai dit à ma femme, j'ai dit, on va te voir la Madone. Fait qu'on s'organise, moi, ma femme et ma fille, pour aller voir la Madone qui pleure, parce que ça a été une grosse affaire, la télévision italienne. Probablement, c'est probablement venu au Québec aussi. Mais là, on avait enlevé la Madone pour faire une étude. Fait que ça, j'ai pas tombé sur la bonne journée. Fait que, qu'est-ce qu'ils vont trouver sa Madone? Là, je veux pas mettre le nez dans la Madone. C'est pas mes affaires, l'affaire de la Madone. Mais ça va être intéressant de voir la conclusion de sa Madone. D'où ce qui vient, le sang de la Madone. Est-ce qu'on peut s'attendre, Bernard, à ce que la science, telle qu'elle est présentement, soit... Laisse-moi finir un petit peu. OK. T'sais, on est des humains, puis c'est intéressant. Là. On est des humains, écoute bien ça, peut-être. On est des humains, puis on a, dans un sens, peut-être qu'on est rendu, qu'on n'a plus une grande foi spirituelle, là, parce qu'on a dépassé ça, mais on a une sorte de foi cosmique, on a une foi dans le pouvoir des forces en arrière. On veut croire que les forces sont capables d'agir. Peut-être que ça me donne. T'as fait un petit peu. Puis on voudrait qu'un jour la science, avec son carbone 14, puis le pape se rencontre, puis il dit, ouais, finalement, on a une Madone qui pleure pour le vrai. Le monde sera content. On a une vraie Madone. Il y a une interpénétration des plans, puis tout. T'sais. Pour avoir 200 000 piastres pour le club des sceptiques à Montréal, pour ça. Là. Mais, tu sais, moi, je ne veux pas toucher à Madone. Je ne suis pas pour la Madone ou contre la Madone. Je veux simplement expliquer un principe. On veut tellement qu'elle pleure, la madame. C'est fort. Qui sont? On est, tout le monde. Oui. Même le scientifique, il veut qu'elle pleure. Ah ouais? La seule chose, il dit, prouve-moi. OK. Parce que il veut profondément. Moi, ma mère, elle veut seulement qu'elle pleure. Tandis que le scientiste, s'il veut qu'elle pleure, mais il veut, il dit, prouve-moi. Tandis que ma mère, elle ne va pas dire, prouve-moi. Ce que je veux dire, c'est que l'homme veut qu'elle pleure, parce que l'homme veut avoir une preuve, finalement, qu'il y a des mondes supérieurs qui sont capables, s'ils veulent, de faire interférence avec la matérialité. Mm-hmm. Ça, c'est une preuve fondamentale pour l'humanité. Mais les choses ne se passent pas de même. C'est pas facile comme ça de prouver la chose. Puis c'est pour ça que je dis, c'est important pour un être de demeurer objectif. Toujours par rapport à lui-même. Fait que si un jour la madone pleure, puis c'est prouvé qu'elle pleure par la science, puis par le Vatican, ben à ce moment-là, ben, t'es content, elle pleure. Finalement, ce que tu sais, que les mondes invisibles existent, ben c'est confirmé. Fait qu'il n'y a plus de problème. Puis si elle pleure pas, ben tu sais aussi qu'il y a des ouais. Parce que s'il faudrait que les mondes invisibles interfèrent trop avec le plan matériel, ce sera le bordel, ça. Mm-hmm. À cause de nos grosses émotions. Mm-hmm. Fait que quand la madone pleure ou quand la madone pleure pas, quand t'es conscient, ça te dérange pas. Mm-hmm. Mais quand t'es inconscient, là, ça te dérange. Tu veux qu'elle pleure ou tu veux pas qu'elle pleure. Mm-hmm. T'as une position, t'as une attitude. Parce qu'il y a une ignorance. Parce qu'il y a une ignorance, parce qu'il y a une incertitude. C'est ça le facteur. T'as pas ton identité. Est-ce que le scientifique qui ferait la preuve de la madone qui pleure serait capable de contenir la conséquence de ça? S'il y avait un entendement international par rapport à une madone qui pleure, là, puis que tous les scientifiques se mettent ensemble, parce qu'il faut qu'ils se mettent tous ensemble, parce que tu connaissais les scientifiques. Mm-hmm. Il faut que tous les scientifiques se mettent tous ensemble, là, puis backeraient le Vatican, que la madone pleure. À ce moment-là, là, il faudrait que ça soit bien fait. Là, si t'as bien fait, là. Mettre la madone quelque part dans le monde, la mettre sur une place publique, bien la protéger pour que tout le monde puisse la voir. Il faudrait qu'elle continue à pleurer, bon. Qu'elle continue à pleurer. Ou qu'elle ait des dates, qu'elle pleure toute seule. Il faudrait qu'elle mette une boîte. Si t'as bien solide, là, dans une vitrine, là, puis qu'elle pleurait, là. Puis qu'il n'y aura pas de doute, parce que la science est rendue pas mal avancée. Ils peuvent envoyer des petits rayons à travers les vitres, ça fait pleurer. Tu sais, il y a tout ça, le gadget. Même Copperfield pourrait la faire disparaître. Copperfield pourrait la faire disparaître. Ben, tu ris, hein, mais tu prends un gars comme Copperfield, là. Mm. Un gars comme Copperfield, il est tellement bon au niveau de sa prestidigitation, qu'un Copperfield, il pourrait mettre à terre la théorie de la verge qui pleure. Mm. Parce que c'est quelque chose, de Copperfield. Il est réellement bon. Fait que c'est plus facile. C'est capable avec la statue de la liberté, pas de madone, il n'y a rien là. C'est plus facile aujourd'hui d'avoir des madones qui pleurent. Oui, d'avoir la preuve. On a vu des vêtements des problèmes. Mais par contre, il y a encore une petite partie de nous autres qui croit que ça pourrait arriver que la madone pleure. Que c'est à l'abri de Copperfield au Vatican. Fait que ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il existe dans l'homme des niveaux de conscience subtils qui sont rattachés à l'invisible, mais qui sont régis par des lois. Puis ces lois-là, c'est comme, tu ne peux pas les violer. Puis sais-tu quand est-ce que tu t'apprends ça? Quand tu es capable de parler avec eux autres. Quand tu es capable là, d'avoir une conversation télépathique avec le plan mental, là, c'est là que tu t'aperçois jusqu'à quel point les lois de l'invisible sont rigides. Mm-hmm. La gravité, c'est rigide. Oui. Sur le plan matériel, bon, mais les lois dans ces mondes-là sont rigides de même. C'est nécessaire que ce soit comme ça, parce que si c'était pas de même, ce serait la confusion aberrante. Mm-hmm. L'homme ne pourrait pas évoluer, l'homme vivrait des changements de conscience absolument abominables. Mm-hmm. Puis, moi, ma femme, c'est une personne qui est très proche de l'occulte, dans le sens que elle est réellement occulte, ma femme. Puis, quand moi, je couche, ma maison est dans la forêt, c'est bien tranquille chez nous. Fait que... s'il y a moindrement un bruit anormal qui se passe, c'est pas long que ma femme va tirer des conclusions occultes avant de tirer des conclusions techniques par rapport au phénomène. Mm-hmm. Les autres ont tiré. Puis le pire, c'est que l'expérience notre expérience occulte démontre qu'effectivement, il peut y avoir des relations entre le matériel et l'invisible. Parce que ça devient beaucoup plus difficile pour ma femme de pas pointer dans cette direction-là que ce serait pour une autre personne à cause de son expérience psychique qui l'a rendue occulte. Tandis qu'une personne qui est normale, là, une personne qui n'a pas les sens aussi développés, quand il se passe quelque chose d'anormal au niveau d'un son ou d'un bruit, par exemple, dans une condition comme ça, à ce moment-là, pour lui, il va tout de suite aller vers la réponse matérielle. Mais nous autres, on est quasiment obligés de se poser la question, c'est-tu matériel seulement ou c'est-tu paramatériel? Parce que quand tu sais qu'un esprit est capable de déplacer un verre et le faire tomber un corps, ou écrire sur un mur, il vient un point que ton esprit, à ce moment-là, quand il juge du phénomène dans le monde, est capable de tirer des conclusions qui sont différentes de ce qu'un esprit normal pourrait tirer. Maintenant, dans quelle mesure l'invisible est capable de... Qu'est-ce qu'il faut à l'invisible pour démontrer à un individu que l'invisible est là, qu'il existe? Oh, ça, c'est faire la preuve. C'est pas nous autres qui peut faire la preuve invisible. C'est l'invisible qu'il faut qu'il nous fasse la preuve, dans un sens. Oh, ça, c'est bien intéressant comme question. OK. Ma réponse est celle-ci. C'est qu'il y a deux invisibles. Il y a l'invisible astral, puis il y a l'invisible des architectures mentales. Autrement dit, il y a l'invisible de la lumière, puis il y a l'invisible des morts. Les morts aiment travailler avec l'homme. Les morts aiment communiquer avec l'homme. Les morts aiment créer des phénomènes avec l'homme en utilisant, s'ils le peuvent, ses énergies, du plan matériel, pour que l'homme prenne conscience de leur présence à travers ce que lui appelle une manifestation. Bon, mais il y a des lois pour ça. Ça fait que un type, par exemple, qui a un accident d'automobile, puis qui sort de son corps instantanément, puis qui se retrouve mort après un gros choc, puis qui reste à errer pendant longtemps sur le plan matériel, peut devenir un fantôme dans certaines conditions particulières, où, par exemple, ce type-là aurait créé beaucoup de peine à la personne qui a laissé. Il faut qu'il y ait des liens. Il y a des lois d'émotion, des lois de mémoire qui existent, qui doivent être remplies. Bon. C'est toutes des lois d'énergie, ça. Tandis que si on regarde le plan mental, le plan des architectures du mental, le plan des grands esprits de lumière, ainsi de suite, eux autres ne sont pas intéressés à ça. Pourquoi? Pour trois raisons. Premièrement, parce qu'ils ne sont pas intéressés à la condition humaine. La raison qu'ils ne sont pas intéressés à la condition humaine, c'est parce qu'ils ne sont pas des êtres qui ont eu incarnation. Okay. Donc, pour eux autres, la condition humaine est totalement architectonique. Alors que pour nous autres, la condition humaine fait partie de notre existence. Alors que pour les morts, la condition humaine fait partie de leur non-existence. Alors, pour les êtres de lumière, la condition humaine, c'est un sine qua non. En plus de ça, les êtres de lumière, l'intérêt qu'ils ont pour l'homme se situe au niveau de l'évolution dans une nouvelle programmation que j'appelle la fusion, c'est-à-dire le développement de l'échange intégral de leur énergie avec eux, avec l'homme, à travers l'âme, qui est techniquement transmutée pour que le périsprit fasse plus interférence à leur énergie. Donc, eux autres, ces êtres-là, sont intéressés beaucoup plus à la fusion, c'est-à-dire à la récolte de l'âme. Une fois que l'homme est sorti de son corps matériel, passe le plan astral et s'en va sur le plan éthérique. C'est ça qui les intéresse. Ce que j'appelle la conscience morontienne. Donc, le phénomène paranormal sur la Terre, qui est intéressant pour l'homme, il est toujours relié à des âmes. C'est des âmes qui font ça. C'est comme Schneider, là, l'actrice Schneider qui s'est suicidée. Là. Elle s'est projetée en Allemagne sur un écran de télévision. T'avoues, très clair. Puis elle disparaît. Puis elle revient. Puis elle disparaît. Puis éventuellement, probablement que les morts, au fur et à mesure que la technologie va se développer sur la Terre et qu'on va être capable de travailler avec des niveaux d'énergie électronique suffisamment raffinée, éventuellement les morts vont être capables sur leur plan de pouvoir manipuler cette énergie-là pour se projeter ici, ainsi de suite. Fait que probablement qu'au 21e siècle, les morts, ce sera plus facile pour eux autres de se projeter dans le monde matériel, sur notre télévision, whatever. Des Ouija électroniques. Des Ouija électroniques, bon. Tandis que les êtres de lumière ne sont pas intéressés à ça. Et la raison fondamentale pour laquelle ils ne sont pas intéressés à ça, c'est parce qu'ils n'ont pas l'expérience humaine. Donc, ils ne manquent pas, eux autres, d'être humains, d'être corporels. Tandis que les morts, eux autres, manquent d'être corporels.